19.9. Observation. Différents degrés d'accord et de désaccord. Vous aimez ça? Ça vous plaît? Vous êtes d'accord? Ah non alors, pas du tout. Pas le moins du monde. Absolument pas. Vous pensez bien que non? Pensez-vous? Nullement. Oui, enfin, à peu près. D'une façon générale, oui. Oui, bien sûr. Mais certainement. Évidemment. Absolument. Vous pensez bien que oui. Ça, on peut le dire. Ça, oui, alors.